Légende sur le cœur de saint Augustin, par Jordan de Saxe. À la mort de saint Augustin, son cœur, dit-on, fut extrait de sa poitrine, soit par un ange, soit par de pieux amis de l'évêque. Ce cœur disparut à travers les révolutions des temps. En 960, Sigisbert, évêque de Lyon, admirateur ardent de saint Augustin, retrouva ce cœur miraculeusement. Sigisbert avait souvent demandé à Dieu de lui accorder quelques reliques du saint évêque d'Hippone, en considération de son culte particulier pour sa mémoire. Il exprimait fréquemment ce désir dans ses oraisons, ou plutôt ce désir était devenu une de ses prières accoutumées. Le sommeil le surprit un jour dans cette prière, et voilà que tout à coup un ange lui apparaît, portant un petit vase de cristal d'un art inimitable, entouré de cercles d'or, et dont le pied était de l'or le plus pur. La boîte qui renfermait le vase resplendissait elle-même par les perles dont on l'avait entrelacée. « Tu dors, Sigisbert, lui dit l'ange, éveille-toi. Qui êtes-vous ? Répond l'évêque de Lyon. Je suis l'ange autrefois préposé à la garde d'Augustin, et maintenant chargé de garder son cœur. Dieu l'a voulu ainsi, afin que ce cœur ne périt point, ce cœur qui brûla d'un si grand amour pour lui, et qui disserta d'une manière si sublime sur la très sainte Trinité. Lève-toi donc, reçois le précieux don que Dieu m'a commandé de t'apporter, pour ta consolation et pour celle des hommes religieux. » À ces mots l'ange disparut, l'évêque éveillé trouva le vase à l'endroit où l'ange l'avait déposé, c'était sur un autel. Le cœur d'Augustin était frais et pur comme s'il fût à peine sorti de son corps. Le bruit de cette merveille se répandit dans tout le diocèse de Lyon, on célébra ce prodige par une fête solennelle, le Te Deum fut chanté. Et lorsque retentirent ces mots de l'hymne de saint Ambroise, « Sanctus, Sanctus », le cœur d'Augustin parut s'agiter et comme palpiter d'amour pour le Dieu vivant. Toutes les fois que devant le cœur d'Augustin le nom de la Sainte Trinité était prononcé, ou qu'on lisait quelque chose du traité de l'évêque d'Hippone sur la Trinité, le cœur tressaillait. La renommée de saint Augustin était trop glorieuse et trop sainte pour que la pieuse imagination des vieux siècles ne vînt point s'en emparer. La légende que nous venons de rapporter est charmante et poétique. L'idée de confier le cœur de saint Augustin à l'ange qui avait été sur la terre le gardien de ce grand homme entrerait fort bien dans une épopée. Markem Dan, archive.org. D'après booksgoogle.fr, Histoire de saint Augustin, sa vie, ses œuvres, son siècle, Influence de son génie par Monsieur Pujola, volume 3, tome 3, chapitre 17, page 303. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.